بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les polythéistes, ne se raviseront que lorsqu'ils recevront la preuve décisive. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Un messager d'Allah qui présente des écritures sacrées contenant des prescriptions précieuses. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. En fait, ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la preuve. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Pourtant, il ne leur a été prescrit que d'adorer Allah, lui rendant le culte à lui seul, d'accomplir la prière rituelle et de s'acquitter de l'aumône légale. C'est là le véritable culte. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أولئك هم شر البريئة. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les polythéistes seront voués au feu de la géhenne et y demeureront éternellement. Ce sont les pires des créatures. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Quant aux croyants qui accomplissent des œuvres pies, ce sont les meilleurs des créatures. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Leur rétribution auprès de leur Seigneur. Des jardins où coulent les ruisseaux, séjour éternel pour eux. Allah les a agréés et ils sont satisfaits de lui. C'est la récompense de ceux qui redoutent leur Seigneur.